Vous n'irez nulle part, jeune fille. » Les parents de Lydie et de Lottie venaient d'arriver dans le jardin et ils n'étaient, mais alors, pas du tout contents de ce qu'ils voyaient. « Qu'est-ce que c'est que ce chantier ?» soupira leur père.